Un si joli village. Le piano droit en chaîne massive se balance dans les airs. Faustine descend dans la rue profiter du spectacle. Elle n'est pas seule. C'est assez rare que les goélands croisent des pianos, avenue des Oliviers. Les transporteurs qui ont roulé toute la nuit depuis Bruxelles n'emmènent pas large quand il faut introduire l'instrument par la porte-fenêtre du salon. Toute la rue résonne de leurs interjections, dans ce bon vieil accent belge que Faustine aime tant et retrouvera dans la pièce radiophonique « Le mariage de Mademoiselle Bollemans ». Mais ce n'est pas tout ça, il y a du boulot. Laissant les hommes à leur galère, elle remonte à ménager sa chambre. Très jolie pièce, tapissée de petites fleurs discrètes. La fenêtre donne sur la rue, avec vue sur le cinéma d'en face et la boucherie. Maman estime qu'à 14 ans, Faustine a droit à son intimité. Ici, Stéphane et elle ont chacun leur chambre. Dans ce trois pièces, le salon est suffisamment grand. En plus du piano, il contient facilement un lit double en face du coin télévision. Les meubles sont déjà déposés dans le nid de Faustine. Comme d'habitude, ses parents avaient préparé un plan précis, sur papier quadrillé, avec des découpages à l'échelle. Il ne restait plus qu'à donner les indications nécessaires au transporteur. De ses parents, Faustine a hérité le virus du déménagement. Elle adore ça. Déballer les cartons, les valises, décider de la place de chaque objet, se réapproprier comme autant de cadeaux les vêtements qui lui vont encore, ses livres, ses bibelots, ses trésors oubliés. C'est Noël. Comble de joie, le joli secrétaire qui ferme à clé autrefois dans la chambre conjugale et objet de sa convoitise depuis des années est désormais placé chez elle. Elle pourra y effectuer ses devoirs, affirme maman. Mais qu'elle en prenne bien soin, ce n'est qu'un prêt. Le reste du logement comprend une grande cuisine dans laquelle la table ronde tient à l'aise, une salle de bain et deux balcons. Cette installation demeure provisoire, prévient papa. Si les affaires tournent comme ils l'espèrent, ils pourront bientôt se chercher une maison plus spacieuse. Les vacances de Pâques se terminent. Avant de reprendre l'école ou le travail, tous font connaissance avec leur nouvel environnement. Ils testent les viennoiseries de la boulangerie qui occupe le rez-de-chaussée. La boulangère fait rire papa en annonçant naïvement à la ronde que son mari vient d'attraper les oreillons. Faustine ne comprend pas, mais n'en apprécie pas moins les croissants. Il y a beaucoup de petits restaurants dans le quartier, dont une trattoria en particulier, qui deviendra le QG de la famille. Les quatre continuent leurs investigations jusqu'au petit port de pêche qui, déjà, n'est plus guère occupé que par des bateaux de plaisance. De l'autre côté, en direction d'Antibes, on trouve un hippodrome. Le bord de mer, à la grande déception de Faustine, n'est pas garni de sable blanc, mais de simples galets. Des taches de goudron recouvrent parfois les pierres plates. Il faut regarder où l'on pose les pieds et s'habituer à marcher sans se tordre les chevilles. Le lycée de Cagnes comprend trois grands bâtiments, dont un en préfabriqué et une cantine. Au vu du parcours chaotique de Faustine, 3 mois en Suisse allemande, autant à Villefranche, maths modernes ou anciennes, latin, italien, allemand, anglais, dessin technique, etc., on décide de la placer dans une classe inférieure. Elle démontrera pourtant qu'elle est à niveau avec les élèves de son âge. Ainsi terminera-t-elle cette année en 4e, puis elle enchaînera avec la 3e, celle du BEPC, brevet d'études du premier cycle. Si elle étudie bien, elle pourra passer son baccalauréat à 18 ans, comme presque tout le monde. Faustine se fait une amie, Pascale, qui habite juste en face de l'hippodrome. Celle-ci l'a invitée un mercredi après-midi. Faustine est épatée. Dans un coin du salon de leur minuscule appartement, les parents de Pascale lui ont aménagé une adorable chambre avec des murs en verre dépoli. On dirait un aquarium opaque. Néanmoins, Faustine n'envie pas son amie. Avoir le sentiment d'être surveillée jour et nuit et subir le bruit de la télévision de surcroît. Par contre, indépendamment de l'accès à la piscine, Pascale partage volontiers le second mini-vélo qu'elle possède, légué par sa sœur, étudiante à l'étranger. Ensemble, les jeunes filles parcourent le front de mer, depuis l'hippodrome jusqu'au port du Croc. Elles en explorent toute la digue, qui est un amoncellement d'énormes blocs. Fluettes, elles se faufilent entre les roches et passent de belles heures à fouiller cavités et tunnels dans l'espoir de découvrir un trésor. De retour à la maison, Faustine trouve maman assise à la table de la cuisine en train de se bidonner. Elle est occupée à pondre, comme elle dit, des fragments de lettres factices venant de clientes imaginaires qui sont imprimées sur les étiquettes des produits de beauté Orac 5. De la publicité mensongère, en quelque sorte. « Écoute ça, » dit-elle en riant. « Une de nos meilleures clientes, Madame Germaine Duchemol de Trifouilly-les-Pèdes, nous écrit « Depuis que j'utilise les produits Orac 5, plus rien n'arrête mon mari. » Ou encore « Madame Camélia Pontoufle de Vindieu, la belle église, nous confie « Avant d'adopter la crème anti-rides d'Orac 5, je n'avais jamais eu la peau si douce. » Faustine rigole, applaudit, avale son goûter, puis file dans sa chambre lire un moment. Ensuite, elle terminera ses devoirs. Maman pense que les enfants doivent d'abord se poser un moment quand ils rentrent de l'école. Ils sont plus efficaces ensuite. Mi-juin, le soleil commence à taper fort. L'été approche et les motivations baissent. Le travail se relâche au lycée. Certains profs sont absents, officiant comme experts aux examens. Alors, Faustine apprend les rudiments de la belote. Elle s'en sort plutôt bien, d'autant qu'elle peut se détendre puisqu'elle est reçue en troisième l'année prochaine. À la maison, Pa-ma bosse d'arrache-pied afin de mettre au point le système de vente des produits tout en formant les futures démarcheuses. Plusieurs dimanches sont consacrés à rencontrer l'associé de papa dans sa magnifique villa de la Gaude. Après un repas pentacruélique, couronné d'une mousse au chocolat hyper sucrée et d'œufs à la neige, les adultes palabrent pendant que les enfants s'ennuient, mais font bonne figure. Maman leur a promis quelques sous s'ils lui faisaient honneur. Un soir de la semaine suivante, à 4 heures, maman part, comme d'habitude, récupérer Stéphane à l'école. À 5 heures, l'école téléphone. Stéphane attend toujours sa maman, tout seul dans la cour. Papa se précipite. En rentrant, il dépose le petit garçon, charge Faustine de s'en occuper et repart. Pendant 1 heure, il cherche maman partout, en vain. Bien obligé de rentrer préparer le souper, il revient bredouille. Après un repas anormalement silencieux, une longue attente commence. Papa ne comprend pas. Sa femme n'avait sur elle que son tablier de travail. Pas de sac, pas de porte-monnaie. En fin de soirée, il se décide à passer au commissariat du bout de la rue. Peut-être auront-ils été prévenus d'un accident, reçu un appel de l'hôpital? Non, rien. Il voudrait signaler une disparition, lancer un avis de recherche. On lui rit au nez. C'est trop tôt, revenez demain. Il rentre complètement déboussolé. Faustine s'inquiète. Qu'a-t-il bien pu arriver à maman? Elle imagine le pire. Kidnappée? Assassinée? Elle lit trop de romans policiers. Si maman ne revenait pas, que se passerait-il? Saurait-elle s'occuper de papa et de Stéphane? Est-ce que papa les mettrait en pension? La situation est angoissante, avec néanmoins un petit côté irréel. Faustine se couche, soucieuse, laissant papa attendre maman assis dans son fauteuil Voltaire. Il y passera la nuit, sans dormir. Au matin, il réveille Faustine et l'envoie à l'école. Consciente de vivre une aventure peu banale, la fillette ne sait quelle attitude adopter. Papa lui a demandé de se taire et de rester discrète, ce qu'elle fait à son corps défendant. Ce n'est pas tous les jours qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Hélas, elle n'aura pas le temps d'en profiter. Juste avant la cloche, le proviseur entr'ouvre la porte de la classe et interpelle Faustine. « Ton papa te fait dire que tout est arrangé. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. » Faustine vire écarlate sous les regards tournés vers elle. À la récré, elle s'explique, mais le suspense est retombé puisqu'on sait que l'histoire finit bien. À la maison, Faustine apprend que maman a simplement eu une insolation sur la plage. Blonde et sensible, elle ne s'est pas méfiée du soleil de juin. Arrivée trop tôt, elle s'était assise un moment à découvert. Et hop, dans les pommes, la mère. Elle s'est réveillée dans l'ambulance. Elle voulait envoyer prévenir, mais les infirmiers, pensant sans doute qu'elle était saoule, lui ont enjoint de se reposer. On verra demain. Et comme elle insistait, ils lui ont administré un somnifère.